ce 141e émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de l'animation, de la mise en onde, de la recherche et du choix musical avec la complicité de Denis Marchand et Robert Blanchette. Et aujourd'hui à l'émission, nous avons 15 pièces. Ça va débuter par Renaissance. On aura Renaissance bien connu, le groupe britannique des années 70. On aura Taproban d'Italie, Phoenix Again d'Italie, Ske d'Italie, Gentle Giant bien connu aussi, David Crosband d'Angleterre. Nous aurons Verbal Delirium de la Grèce, Jason Rubinstein d'Angleterre, Ticket to the Moon de Suisse, Chamal d'Allemagne, Sanhedrin d'Israël. C'est très rare qu'on a des groupes de rock progressif d'Israël, alors je vous invite à ne pas manquer ça. Nous aurons aussi de Sin d'Angleterre et à titre posthume pour deux décès qui sont parvenus dans les dernières semaines. En fait, la semaine dernière, on a Christian Simard de Morse Code et Greg Lake de Emerson, Lake & Palmer. Alors, on va conclure l'émission avec des pièces extraites de leur discographie. Alors, on débute ça avec Renaissance, un groupe qui a œuvré. Ben, en fait, le dernier album est en 2013. C'était le 16e album studio du groupe, le premier étant en 1969. On va entendre une pièce tirée de Scheherazade and Other Stories. C'est le 5e album qui est paru en 1975. Et on va suivre ça avec deux extraits de Decameron. C'est un album concept. En fait, c'est le 3e coffret, chacun contenant 4 CD. Alors, le plus récent est paru cet été. Et on va entendre Taproban d'Italie et Phoenix Again qui suivra. Alors, on débute ça avec Renaissance. Thank you. I took a trip down to look at the fair. When I arrived, I found nobody there. It seemed I was all alone. Must be that they've all gone home. A trip to the fair. To the fair, but nobody was there. Voices of yesterday make not a sound, even the roundabout stop going round. I wonder just what it means. Is everything how it seems? To the fair, but nobody was there. A trip to the fair, but nobody was there. A creak as the dudgeons came onto the scene. Wheels began turning, I started to scream. A carousel swung. Spun and hit the ground. A trip to the fair, but nobody was there. A trip to the fair, but nobody was there. I closed my eyes to disguise the fear from

Thank you. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, avant de débuter le deuxième bloc, nous allons faire un retour avant la pause où on a entendu Phoenix Again, formation italienne, avec la pièce The Bridge of Geese. Et ça, c'est extrait de la compilation Decameron Part 3 qui est parue cet été. Comme le nom l'indique, c'est le troisième coffret d'une série de trois. Et nous avons 4 CD sur chaque coffret. Ça totalise 12 CD. Et chaque CD a une dizaine de pièces. Donc, on est dans un éventail assez large de groupes et de pièces originales de prog. Et ça avait été précédé par une autre formation italienne, je pense que je me répète ici. Non, Taproban avec la pièce Il Sogno, la Bestia, la Ritrosa, c'est l'excès de Decameron. Et en début de bloc, nous avions Renaissance avec la pièce Trip to the Fair. Ça, c'est extrait de Scheherazade and Other Stories qui est paru en 1975. Alors, on débute le deuxième bloc avec une formation italienne, SKE, S-K-E, dont on connaît un album paru en 2011. L'album s'intitule Thousand Autumni. Et on va entendre la pièce Fragulile. Mon italien laisse à désirer un petit peu. Et on va enchaîner avec une formation bien connue, Gentle Giant, avec un extrait de Three Friends et l'autre de Octopus. Et on va conclure avec David Cross Band. David Cross, qui est le violoniste de la formation King Crimson. De 1972 à 1974, la période Lark's Tongues in Aspic. Et il revient avec un groupe, en fait, c'est une carrière parallèle. Il y a déjà 10 albums studio à son actif et on va entendre le dernier, un extrait qui s'appelle Sign of the Crow. Alors on débute ça avec Ske. Thank you. made three lives our last empty. Two years of school and play they share. Thank you. l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, avant de débuter le troisième bloc, nous allons faire un petit retour en arrière. Alors, juste avant la pause, c'était une nouveauté de David Cross Band. L'album s'intitule « Sign of the Row » et on a entendu « Rain Twist ». Et ça a été précédé de deux pièces de Gentle Giant. La première, en fait, l'avant-dernière, c'était « Prologue », extrait de « Three Friends ». Et juste avant, c'était « The Boys in the Band » tiré de « Octopus ». Et en début de bloc, nous avions « Ske », une formation italienne avec la pièce « Fragugli ». Et c'est extrait de « A Thousand Autumn ». Alors, on commence le troisième bloc avec une formation grecque. C'est nouveau. En fait, l'album, la formation, elle, est déjà rendue à son troisième album studio. L'album s'intitule « The Imprisoned Words of Fear » et on va entendre la pièce « The Decayed Reflection ». Et ça va être suivi d'une formation des États-Unis, de Jason Rubinstein. C'est aussi, en fait, pas tout à fait une nouveauté. Le dernier, c'est le cinquième album du groupe qui est paru en 2014. Et l'album s'intitule « The New Metal from Old Boxes ». Et on va conclure avec une formation suisse, « Ticket to the Moon ». Et un extrait de l'album paru en 2015, « Essence of Life ». Alors, on débute ça avec « Verbal Delirium ». For I forgot, I don't remember him. I am

instantly get supper, undress, go to bed. I stare at the white ceiling, I'm falling right into a shade. Suffocating me to live day in and day out and get through someday, some way, and somehow. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous voici rendus au quatrième et dernier bloc de l'émission. Juste un petit rappel pour ce qu'on a entendu avant la pause. C'était Ticket to the Moon, une formation suisse avec la pièce Perpetual Part 2. Et c'est extrait de A Sense of Life qui est paru en 2015. Ça avait été précédé de Jason Rubinstein. Ça, c'est d'Angleterre avec la pièce The Blow Off. Et c'est extrait de New Metal from Old Boxes. Et en entrée de bloc, nous avions de Grèce, la formation Verbal Delirium avec la pièce The Decayed Reflection. Et ça, c'est une nouveauté de l'album The Imprisoned Words of Fear. Alors, on débute le quatrième bloc avec une formation allemande et une nouveauté. Le groupe s'appelle Shamal. Et je pense qu'ils viennent de sortir, ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle Continuation. C'est un album double. Continuation, c'est en lien avec Turn Off qui était sorti en 2013. Alors, on répète un album double et c'est dans la même lignée. C'est du psychédélique space. Et on ira après ça du côté d'Israël. C'est très rare qu'on ait une formation d'Israël et on va entendre le groupe de Sanhedrin. Et c'est une nouveauté de l'album Ever After. Et tout de suite après, ça va être The Sin. The Sin qui est une formation qui est quand même assez vieille en existence, même s'il n'y a pas beaucoup d'albums qui ont été produits. En fait, il y a 3 albums produits, mais il y a eu une longue éclipse entre 1965, je crois, et 2005, parce que les membres fondateurs de ce groupe The Sin, c'était Chris Squire et Peter Banks, qu'on a connus, bien entendu, avec Yes. Et lorsque Yes s'est démembré, ils ont remis le groupe sur les rails et à titre posthume, bien entendu, de Chris Squire, ils ont un album récent qui est sorti, s'intitule Trustworks. Et on reste du côté posthume, bien entendu, avec le décès de Christian Simard de Morse Code. Morse Code qu'on a fait jouer souvent à l'émission, mais aujourd'hui, ce sera à titre posthume. On va entendre La cérémonie de minuit. C'est extrait de La marche des hommes qui est paru en 1975 et aussi Greg Lake, qui est décédé la semaine dernière, Emerson, Lake & Palmer. Et bien entendu, on va aller du côté du premier disque de 1970, le titre éponyme, et on va entendre la pièce Lucky Man. Alors, on débute ça avec Shamal. Thank you. 10,000 people walking the streets, looking for a man that never speaks. 10,000 people, 10 million more, looking for an answer, opening doors. Gotta get up, gotta get searching. Everyone has gone searching, searching. My church is trust. We had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. His blood ran